Assis sur le bitume, on regarde pas au fur. Assis sur le bitume, on quitte la licentine. J'ai toujours le galère, je sais du tabord à flirter avec la misère du scolaire. De bien d'avarier, l'appétit s'est enfui d'une envie poussée, envie poussée. J'avance dans le brouillard, sans aucun but précis. Le squatteur de cafard me coupe toutes mes envies. Assis sur le bitume, on rigole, boit, on fume. Assis sur le bitume, on kiffe la Byzantine. Assis sur le bitume, la vie est inoptime. On dînait, c'est bitume, on t'aime bien. Quelle légume, quelle putain de légume.